au goût frappant. Au goût frappant. Une décoction d'arômes subtils. D'arômes subtils. Des estoux puissants, bleu crocodile. Bleu crocodile. C'est gras.